Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, un héros super nul. La nouvelle mission de Maxwell Smart, alias Max la Menace, stopper l'organisation criminelle KO dans ses tentatives de mainmise planétaire. Après que le QG de l'agence de renseignement contrôle a été attaqué et les noms de ses agents dévoilés, le chef n'a d'autre choix que de promouvoir son analyste le plus zélé et le plus inepte, Max. Depuis toujours, Maxwell Smart, analyste chez Control, révèle être agent. Ouvrez vos oreilles, nous avons un nouvel agent. C'est vous, Max. C'est le plus beau jour de ma vie ! Sa menace de chauffer un Max. On se met au boulot ? Je suis prêt à m'y mettre et vous, vous êtes prête ? C'est pas vrai. Pour l'instant, vous avez surtout montré vos... Ministre Sarbacane, on vous en a pas donné. Il va falloir que j'envoie tout ce que j'ai dans les poumons. Un Max d'action. Espadon ! Est-ce que vous pensez à la même chose que moi ? Si vous pensez, un espadon a failli me trépaner. Et dans ce cas, oui. Un Max d'aventure. Un Max de punch. J'ai un couteau dans ma poche de pantalon. C'est pas mon couteau, ça c'est pas... Un Max de rebondissement. Oh. Max la menace. Steve Carell et Anne Hathaway dans Max la menace, une comédie de Peter Segal, un DVD Warner Home Video.